franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Hannah Arendt, une pensée libre. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov. Il n'existe pas de pensée dangereuse, pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Mais ne pas penser est encore plus dangereux. C'est ainsi que répondait Hannah Arendt lors d'un entretien filmé quelques mois avant sa mort, le 4 décembre 1975. Ces mots pourraient servir de préface à une œuvre et à une vie entière où la pensée ne cessa jamais d'accueillir ce qui l'a bouleversée. C'est une définition du courage. Penser est une nécessité, penser est sa liberté. Ne vivre à l'abri ni des passions, ni des idées, ni des événements. Ce courage, Hannah Arendt en a fait preuve toute sa vie. Femme, juive, allemande, puis américaine, philosophe, historienne, journaliste, Hannah Arendt a abordé toutes les rives de la pensée, une pensée qui n'hésite pas à s'engager sans se compromettre. Cette rebelle impénitente a résisté à tous les enfermements. Je suis indépendante, je n'appartiens à aucune organisation et je ne parle jamais qu'en mon propre nom, disait-elle. Insaisissable dans sa vie comme dans sa pensée, Hannah Arendt est née en Allemagne en 1906. Elle a connu et vécu tous les soubresauts terribles du XXe siècle. Elle a fui les nazis pour trouver refuge en France, ce qui s'est très vite transformé en piège. Elle est finalement internée au camp de Gurs. Elle échappe à la déportation et s'exile aux États-Unis. De par son expérience de réfugiée, Hannah Arendt sait ce que c'est que d'avoir été arrachée par la violence et la folie d'histoire. Mais elle a aussi son côté sombre. Étudiante, en 1924, elle rencontre le philosophe allemand Martin Heidegger. À 18 ans, elle devient sa maîtresse. Puis arrive Hitler, Heidegger est séduit par les thèses nazies. Hannah Arendt s'éloigne mais ne rompra jamais tout à fait. Cette relation lui sera fortement reprochée. Comme d'ailleurs ses prises de position pendant le procès Eichmann qu'elle suivra à Jérusalem en 1961 pour le New Yorker. Ses prises de position et le livre qu'elle en tire lui vaudront de nombreuses critiques, dont la une de l'Obs qui s'interroge « Hannah Arendt est-elle nazie ?» Ou encore, ce jugement de Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, « Hannah Arendt n'a rien compris ». Pour poursuivre notre enquête autour de cette personnalité, nous recevrons après la fiction la philosophe Michèle Irène Brundny, professeure des universités en philosophie politique et américaniste. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur Hannah Arendt, dont un essai de biographie intellectuelle paru chez Grasset en 2006, et elle a dirigé un volume collectif sur les destins de la banalité du mal paru à l'Éclat en 2011, puis plusieurs recherches sur les correspondances d'Hannah Arendt avec Heinrich Blücher et Martin Heidegger, par exemple. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Hannah Arendt, une femme libre, de Jean-Pierre Tiercelin. Une réalisation de Michel Sidorov. Hannah Arendt revient en Europe pour assister au procès des officiers SS du camp d'Auschwitz qui se tient à Francfort. Son livre « Eichmann à Jérusalem », qui a déjà fait scandale aux États-Unis, vient juste d'être édité en Allemagne. Sa présence au tribunal a du mal à passer inaperçue. Madame Arendt, c'est le premier procès auquel vous assistez en Allemagne ? Vous êtes venue spécialement à Francfort pour le procès d'Auschwitz ? Je vous répète que je suis venue assister à ce procès uniquement parce que cela m'intéresse. Comptez-vous écrire une nouvelle série d'articles, comme pour le procès Eichmann ? Absolument pas, je suis là à titre personnel. Tout simplement parce que je me sens concernée, c'est tout. Vous pouvez le comprendre. C'est une évolution par rapport au procès de Jérusalem. Mais justement, à propos de votre livre, Eichmann à Jérusalem, qui vient de paraître en Allemagne... À propos de ce livre, je ne peux vous dire qu'une chose, lisez-le. Mais lisez-le vraiment. Ensuite, nous en reparlerons, si vous le souhaitez. Hannah ? Oui ? Bonjour, Hannah. C'est moi, Dany. Madame Arendt. Dany ? Une dernière question. Messieurs, je vous prie de m'excuser. Dany, viens par ici, que je te regarde de plus près. Mais que tu as changé ! Te voilà un homme, maintenant. Oh, mais je suis heureuse de te voir. Mais quel âge as-tu ? 18 ans. bientôt 19. C'est ce que je disais, un homme. Mais qu'est-ce que tu fais là, au tribunal? Tu n'as pas de soucis, au moins? Non, pas du tout. Je suis venu avec ma classe assister à une audience du procès d'Auschwitz. Et alors? Ça m'a un peu secoué. Après le témoignage terrible de ce survivant, entendre l'avocat des officiers SS demander d'un air menaçant, vous vous rappelez vraiment cette scène? Vous vous en rappelez ou on vous l'a raconté? C'est violent, ça m'a choqué. Si je comprends bien, c'est à la victime de se justifier. C'est à peu près ça. Il faut toujours se justifier d'être juif. Allez, viens, sortons. On ne s'entend pas dans ce hall. Après cette audience pesante, un peu d'air nous fera du bien. Si nous allions prendre un verre. J'aimerais bien, mais je dois retrouver ma classe. Alors faisons quelques pas. Oh, tu fumes? Non, merci. Il n'a que des qualités, ce petit. Moi, je te préviens, je suis un vrai pompier. C'est la première fois? La première fois? Que tu es confronté à l'horreur des camps? Comme ça, oui. On en avait parlé à la maison, mais c'était pas pareil. Quand j'étais petit, à chaque passant qu'on croisait dans la rue, papa me chuchotait à l'oreille. Tiens, regarde bien celui-là, c'est un nazi. Un vrai? Et là, encore un. Et là? Ah non, trop jeune. La présomption d'innocence, c'était pas son fort. Je vois que l'humour des Cohn-Bendit est toujours bien vivant. J'adorais tes parents. Tellement de choses nous liaient. Ils sont partis trop tôt. Ils me parlaient souvent de votre rencontre à Paris après avoir fui l'Allemagne. Des bons moments et puis des autres. Oui, de magnifiques moments d'amitié, jalonnés de sacrées périodes d'angoisse et de désespoir. On s'est tous connus en 1933 dans le petit appartement de Walter Benjamin. On avait fait une sorte de cellule de discussion. Ça fusait dans tous les sens. La vie était loin d'être facile, mais nous pensions qu'il était encore possible d'agir. Tu as suivi des cours en Sorbonne? Dès mon arrivée. Mais j'ai dû apprendre le français. Et comme je travaillais pour une association d'aide aux réfugiés juifs allemands, j'ai aussi appris l'hébreu et même le yiddish. Tout ça grâce à Hitler. Il n'avait pas prévu ça. Moi, je voulais comprendre le passé juif dans ses racines. L'appartenance au judaïsme était devenue mon problème et mon propre problème était politique, purement politique. Et puis j'ai toujours voulu comprendre. C'est mon obsession, comprendre. Tu comprends? Oui, ça n'a pas vraiment changé. Non, pas vraiment. Mais à Genève, en 1936, quand j'ai assisté au congrès juif mondial, je me suis aperçue que la montée de l'antisémitisme n'était même pas à l'ordre du jour. Moi, j'étais folle de rage. Heinrich appelait ça le congrès mondial des imbéciles. Ce gros ours ne tolérait la judéité que dans l'engagement révolutionnaire. Tu vois, mon petit Danny, notre amour est né au cœur de bien sombres moments. C'était pas facile de dormir à Paris en pensant aux amis qui tombaient tous les jours à Berlin. Mon père aimait beaucoup Heinrich. Il m'a raconté la vie dans les cafés, vos longues conversations politiques. C'était le seul sport qu'on pratiquait, mais on s'y adonnait avec passion. La guerre d'Espagne nous déchirait. On était écœurés par la lâcheté du gouvernement français. En tant que réfugiés, on était passibles d'expulsion. Et les Français nous traitaient de sales boches. La presse de droite vomissait sur les Juifs et accusait les immigrés de comploter au sein de la 5e colonne. Et à la déclaration de guerre, on s'est tous retrouvés dans des camps d'internement, tout ce qu'il y a de plus français. Et papa s'est retrouvé avec Heinrich. Oui, à Villemalard, près de Blois. Et moi, au camp de Gurs. C'était atroce. J'ai même pensé au suicide. Mais l'entraide peut faire des miracles. Et on a réussi à s'échapper. Il était temps. L'État français commençait à livrer les Juifs et les opposants allemands à la Gestapo. Et là... Ah là, je t'arrête. Je connais l'histoire, ça fait partie de la saga familiale. Tout le monde s'est retrouvé à Montauban. Non seulement tu retrouves mes parents, mais en plus, tu tombes nez à nez avec Heinrich dans la grande rue. Alors que je le cherchais partout, désespéré et ne sachant comment faire. Le maire, un socialiste, avait déclaré Montauban ville ouverte aux réfugiés. Ça n'a pas duré. Mais ça nous a permis de nous retrouver. Alors, on a repris nos discussions avec plus d'énergie que jamais, tout en faisant la chasse au visa. Et puis, vous êtes parti pour l'Amérique. Oui, et après bien de faux espoirs, on a eu la chance de monter dans un bateau. Et je pense toujours à ceux qui n'ont pas réussi. Après, il a fallu apprendre l'anglais. Tu es américaine maintenant? Mon vrai chez moi maintenant, c'est là-bas. Et ici, en Allemagne? Ici, c'est la langue maternelle. Mais difficile d'oublier l'infidélité des anciens amis de l'université qui ont fini par s'accommoder du régime nazi. L'Allemagne est la première nation à s'être anéantie elle-même. Quand je viens, j'entends toujours le silence coupable de la question juive. Un silence qui ne veut rien reconnaître. Cela évoluera avec la génération suivante. La tienne, Dani. J'en suis persuadée. Mais j'ai plaisir à retrouver de vieux amis comme Karl Jaspers. Et Heidegger ? Heidegger n'est pas un ami. C'est autre chose. Entendons-nous bien. Son attitude douteuse, pour ne pas dire complice, est inexcusable. Après la guerre, je ne pensais plus jamais le revoir. D'autant qu'il ne veut rien reconnaître, rien admettre. Mais c'est malgré tout un grand penseur, même si sa pensée est mortifère. Finalement, je l'ai revu. Au-delà de l'amour de jeunesse de l'étudiante pour le grand maître, il y a là quelque chose que, pour une fois, je ne veux pas m'expliquer. Adolf Eichmann avait été enlevé en Argentine en 1960 par les services secrets israéliens. Il doit être jugé à Jérusalem par un tribunal israélien. New York, mars 1961, peu avant le procès. Appartement d'Heinrich Blücher et Anna Arendt. Toujours dans le futur procès Eichmann? Tu as vu, je t'ai découpé plusieurs articles. Encore un peu de café? Volontiers, monsieur. Mon monsieur préféré. Merci. Hop. Tu n'oublies rien? Le sucre? Mais non, étourdi. Juste le baiser qui va avec. Oh, pardon. Non, mais je ne sais pas si tu le mérites. Voyez-vous ça? Peut-on savoir ce qui pèse de bon matin sur l'estomac de mon gros ours? Tu vas encore m'abandonner. Et en plus, tu me quittes pour aller jouer les reporters dans un pays de sauvages. Mais tu devrais être content. Tu vas en profiter pour séduire quelques étudiantes. Je vous connais, monsieur le séducteur. Et puis, je ne pars pas chez les sauvages, je pars en Israël. C'est bien ce que je dis. C'est toi le sauvage. Tu es de pire en pire. L'enlèvement d'Eichmann par les services secrets israéliens est un acte illégal. Il aurait dû être jugé en Allemagne. Mais tu oublies que l'Allemagne n'en veut pas. Les Allemands savaient très bien où était Eichmann. Ils se sont bien gardés d'aller le chercher. Finalement, je trouve assez normal qu'il soit jugé par un tribunal israélien. Quoi ? C'est toi qui dis ça ? Toi qui autrefois stigmatisais le sionisme ? Toi qui t'élevais contre tout projet d'État israélien qui exclurait les Arabes ? Jusqu'à rêver d'une fédération sur le modèle suisse avec une administration binationale ? Toi qui as refusé catégoriquement quand tes amis te suppliaient de les rejoindre sur la terre promise ? Alors mon chéri, respire ! Ne va pas me faire un malaise ! Tu oublies juste une chose. Aujourd'hui, l'État d'Israël est là, et bien là, même s'il ne nous satisfait pas. C'est aussi pour les victimes que la Palestine est devenue Israël. Allez, viens près de moi au lieu de ronchonner, là. Tu te souviens? Nous étions à New York, depuis 2 ans à peine. Toutes les antennes anxieusement dressées vers l'Europe. Tu te souviens quand nous avons entendu parler d'Auschwitz pour la première fois? C'est ce qui a été décisif. Toi, tu ne voulais pas y croire. Je ne pouvais pas croire qu'ils iraient jusque-là. Mais c'était logique. Comment croire à un acte qui va à l'encontre de toute nécessité, de tout besoin militaire? Comment croire l'impensable? Il a bien fallu admettre que le nazisme avait pour fondement l'antisémitisme. Auschwitz n'aurait pas dû se produire. Il y a là quelque chose que nous n'arrivons pas à maîtriser. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller proposer tes services au New Yorker alors que tu as plusieurs livres en cours? Et que tu croules sous les propositions des plus grandes universités. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas, à part des ennuis? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il faut que j'y aille, c'est tout. Nous avons quitté l'Allemagne si tôt, Heinrich. Il nous a été épargné de vivre tout ça. Je n'ai pas pu assister au procès de Nuremberg. Je n'ai jamais vu ces gens-là en chair et en os, et c'est probablement ma dernière chance de pouvoir le faire. Disons que c'est une manière de m'acquitter d'une obligation vis-à-vis de mon passé. Bon. Alors, il ne me reste plus qu'à continuer mes découpages. Pendant que tu feras l'envoyé très spécial, je suivrai pour toi la couverture du procès dans la presse américaine. Ça me sera très utile à mon retour, vieux filou. Allez, regarde-moi. Tu sais, nous sommes tout simplement les seuls à pouvoir nous dire quelque chose. C'est ça l'important. Et moi, j'ai besoin d'un câlin. Jérusalem, avril 1961. Sur la terrasse de Kurt Blumenfeld, vieil ami d'Anna Arendt. Ils prennent le thé. Alors, tu l'as vu ? Qui ? Ah non, ne commence pas, Anna. Ma plus vieille amie vient spécialement assister au procès du plus grand criminel du siècle et quand je lui demande si elle l'a vu, elle me répond « Qui ?» Non, c'est pas bien ça, Anna. Allons, mon cher Kurt. Avoue que tu serais très déçu si je ne commençais pas par te taquiner un peu, non ? Oui, je connais trop bien ton humour et ta liberté d'esprit. Mais là, il s'agit de choses graves. Alors ? Alors, je l'ai vu, oui. Ah. Mais comme beaucoup, je l'ai trouvé plutôt insignifiant. Difficile, en le regardant, de se persuader que ce procès est motivé par 6 millions de morts. En tout cas, Ben Gourion a bien fait les choses. Il voulait s'offrir le procès du siècle, il l'a. D'ailleurs, il se déroule dans un théâtre. C'est un signe. Mais ce grand show justicier est proprement insupportable. Oh, ne commence pas à blasphémer, Anna. Et le blasphème n'a rien à voir là-dedans. Et je ne parle pas du procureur. Cette façon de mettre en scène la douleur des victimes, c'est indécent. Mais tu ne vas tout de même pas reprocher au tribunal de donner enfin la parole aux victimes. On a assez souffert de cette chape de silence qui, depuis plus de 15 ans, s'est abattue sur l'extermination des Juifs. Non ? Allons, ne te mets pas en colère. Laisse-moi plutôt un peu de thé. Tout d'abord, à propos de la chape de plomb, comme tu dis, je te ferai remarquer que le poids en est largement partagé. Israël ne s'est pas toujours montré très empressé envers les Juifs d'Europe qui ont survécu. Il était bon de les considérer comme des moutons qui s'étaient laissés traîner à l'abattoir. On les trouvait peu reluisants face au mythe des jeunes héros combattants, sains et musclés, qui allaient forger le nouvel État. Adieu, Yiddishland, Eretz Israël. Ah, tu voilà reparti dans la caricature. Bon, admettons que j'entende ce que tu dis. C'est tout de même une bonne chose qu'à l'occasion de ce procès, on puisse faire découvrir au monde entier l'ampleur des crimes nazis. Courte, on mélange tout. On construit l'instruction sur la souffrance des Juifs alors qu'il s'agit de juger un homme. Il y a quelque chose qui cloche. On essaye de diaboliser l'accusé. On veut nous le vendre comme le représentant du mal absolu. C'est un ange, peut-être. Ni ange, ni bête. Rien qu'un homme qui s'appelle Adolf Eichmann, un des responsables de la solution finale et à ce titre de la mort de 6 millions d'êtres humains. C'est un problème qui relève des fondements de l'humanité. Ce n'est pas un simple règlement de compte entre juifs et allemands. Je ne comprends pas ce procès où chacun se croit obligé de parler en hébreu, alors que dans la salle, tout le monde pense et parle en allemand. C'est grotesque. Dois-je te rappeler que nous sommes en Israël ? Je vais finir par croire que tu n'aimes pas ton peuple. Kurt, je suis juive. Ah. Je l'assume. Et je le revendique. Et c'est en tant que juive que je suis venue assister à ce procès. Mais je n'aime aucun peuple. Aimer un peuple n'a aucun sens. Je n'aime que mes amis. Des amis comme toi, avec qui je peux discuter des heures. Mais aussi m'engueuler, copieusement. N'est-ce pas ? Mon sioniste adoré. Oh, Anna, tu sais combien je t'aime. Mais parfois tu me fais peur. Dis-moi, comment tu l'as trouvé cet Eichmann ? Qui entend plaider non coupable, au sens où l'entend l'instruction. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il se sente coupable ? Il est enfermé dans une autre logique. Je ne pense pas qu'il soit cynique. Il s'applique à faire les choses dans les règles. Même dans sa cage de verre, face au tribunal, il a l'air d'être installé à son bureau. Tu l'as entendu parler ? Je l'ai entendu dire qu'il n'avait jamais tué de juifs, qu'il n'avait jamais tué personne. Comment ose-t-il ? Mais c'est vrai ! Dans sa propre logique, il n'a tué personne de ses mains. Sauf que si le Führer lui avait demandé de tuer son propre père, il l'aurait fait. Tu as écouté sa façon de parler. C'est un langage stéréotypé et déshumanisé. Il ne sait pas parler. La langue administrative du nazisme lui sert de kit de survie. C'est effroyable. Mais si on veut comprendre, il faut savoir écouter les bourreaux. Et les victimes ? Elles auront droit à ton écoute ? Là, c'est toi qui fais du mauvais esprit, mon ami. Les victimes ont droit à toute mon attention et à toute ma compassion. Mais je refuse d'aborder les choses de façon pathétique. C'est contraire à toute philosophie. Oh, tu es dur. Non, je veux juste comprendre. C'est tout. 1966, cinq ans plus tard. après plusieurs années très difficiles à affronter la tempête soulevée par ses articles, puis son livre « Eichmann à Jérusalem », Hannah Arendt pense enfin retrouver un peu de sérénité. New York, appartement d'Heinrich Blücher et Hannah Arendt. Je te sers un petit montant. Un whisky. Volontiers. Cette émission de radio m'a épuisée. Je déteste les interviews. Plaignez-vous, madame. Voilà fêtée et honorée. À peine revenue de voyage, la grande philosophe disparaît sous une montagne de télégrammes et de bouquets. Son pauvre mari est perdu, la cherche en vain et crie « Anna, où es-tu? Reviens !» Mais quel pitre! Donne-moi plutôt mon verre et viens trinquer avec moi. Encore bon anniversaire, ma chérie. Merci, mon amour. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir me souhaiter mon anniversaire. Même l'ambassadeur de Washington s'y est mis. 60 ans. Moi, ça me fiche un coup. Mais ils espèrent peut-être que tu vas te calmer. Rentrer dans le rang. Et te mettre à penser en rond. Voire arrêter de fumer. Ah, tiens, voilà du feu. Merci, monsieur. J'apprécie toujours votre flamme. J'aurais sans doute préféré un peu moins de fleurs aujourd'hui contre un peu moins d'insultes depuis 3 ans. Mais c'est comme ça. Si ça pouvait vraiment se calmer... Je crois qu'on tient le bon bout. Eichmann à Jérusalem va même sortir en Israël. Tous les espoirs sont donc permis. Et Mary doit m'apporter des nouvelles de la parution en France, chez Gallimard. Je veux bien être pendu si les Français ne te font pas bon accueil. Les lecteurs, peut-être. Les critiques, je ne sais pas. Mary m'avait dit qu'ils éditaient le livre avec des pincettes. Nous verrons bien. Ne bouge pas, j'y vais. C'est sûrement Mary. Madame Mary McCarthy en personne, de retour de Paris. Entrez, chère amie, vous êtes attendue. Mary, quelle joie! Vous avez ouvert un magasin de fleurs? Bon anniversaire, ma chérie. Merci. Et viens près de nous. Heinrich, c'est notre ami. Alors, quelle nouvelle? Que disent nos amis français? Tu devrais commencer par resservir un autre drink à Anna. On commence fort. Je sens que la soirée va être animée. J'adore. En fait, j'ai l'impression désagréable de devoir jouer le rôle du pavé dans la mare. Ah bon? Mais c'est pas nouveau. Merci, Heinrich. Là, tu m'aides beaucoup. C'est pas nouveau non plus. Bon, je t'en noue à l'eau. Je vous ai apporté une petite revue de presse parisienne. Commençons par le meilleur. Tenez, voici la une du Nouvel Observateur. Les salauds! Mais comment ont-ils pu... Hannah Arendt est-elle nazie? Alors, ça recommence. Moi qui venais juste d'écrire à Jaspers, je pense que la guerre entre les Juifs et moi est terminée. Comment en est-on arrivé là? Mais tout d'abord parce que ça fait vendre du papier. Je trouve ça profondément dégueulasse. Mais tout de même, le Nouvel Obs... Oh, c'est consternant. En fait, c'est le 3e numéro consacré à ton livre. Et à chaque fois, ils montent d'un cran dans le populisme. Ils ont commencé par négocier avec Gallimard la publication des Bonnes Feuilles. Quant à l'éditorial, c'est une mise en garde avant lecture du texte d'Anna Arendt. On appréciera la méthode. Et ensuite? Le second numéro, toujours des extraits, avait pour titre... Où se situe la responsabilité d'Adolf Eichmann? C'est la question que pose avec une grinçante brutalité cette juive au cœur scientifique. Quant à celui-là, le dernier, ce n'est même pas un article. C'est une compilation de lecteurs indignés soigneusement sélectionnés. Qu'est-ce qu'ils disent? Toujours la même chose. Ils sont choqués, indignés, blessés... Tu tentes de minimiser le caractère criminel des actes d'Eichmann. Tu fais porter la responsabilité de la solution finale au Conseil juif. Tu banalises la notion de mal. Ton style est ironique. Bref, ils ne supportent pas la façon dont tu abordes la question. La seule chose qu'ils ne disent pas, c'est que la plupart ne t'ont pas lu. J'aurais bien lui casser la gueule, moi, au directeur du Nouvel Obs. Je n'en doute pas un seul instant, mon chéri, mais je préfère te garder près de moi. Tu vois, Il y a encore du pain sur la planche. Enfin, le seul point positif est que le livre se vend. Le scandale fait vendre, c'est bien connu. Pour être juste, il y a quelques vrais papiers signés Raymond Aron, Pierre Vidal-Naquet, qui analysent ton livre et le soutiennent. Quant aux autres... Il ne pourrait pas dire de telles choses s'il m'avait vraiment lu. Dans le livre, le passage sur les Judenrat, les conseils juifs, ne dépasse pas 10 pages. Et je ne fais que reprendre ce qui a été dit au procès. Dans les ghettos d'Europe de l'Est, Eichmann indiquait combien de juifs il lui fallait pour remplir chaque train. Et ce sont eux qui fournissaient les listes de déportés. Je n'ai hélas rien inventé. Oui, mais en fait, le vrai reproche qu'ils te font, c'est d'en parler. D'abord dans ta série d'articles au New Yorker et ensuite dans le livre. Tu as violé la loi du silence. Tu sais bien qu'en Israël, on trouve encore d'anciens membres des conseils juifs aux postes les plus élevés. Mais je n'accuse personne. Je n'ai fait que poser le problème pour essayer de comprendre. Ces gens-là avaient peut-être de bonnes intentions, mais leurs actes étaient mauvais, c'est tout. Le malentendu dans tout ça, c'est que là où ils attendaient un reportage, ils se sont retrouvés avec un ouvrage de philosophie qui les dépasse. Je ne sais pas. En tout cas, depuis la parution de ce livre, je n'ai pratiquement lu que des calomnies qui affirment le contraire de ce que j'ai écrit. C'est épuisant. Allons, Anna. Tu as surmonté tellement d'épreuves. Tu ne vas pas te décourager maintenant. Tu te souviens quand vous êtes revenu de Rome et que vous avez découvert l'appartement inondé de courriers? Vous avez vite compris que le livre était paru. Ce n'était pratiquement que des lettres d'injures et d'insultes. Heureusement, tu es venu à la rescousse. Ah, avec Heinrich, on essayait de faire barrage au téléphone. Mais quand quelqu'un m'a traité de vieille pute nazie, c'est moi qui l'ai pris en pleine poire. D'abord, j'ai gardé le silence. Puis, j'ai commencé à répondre, scrupuleusement, point par point, jusqu'à épuisement. Je tiens au dialogue et je ne veux blesser personne. J'avais pourtant écrit ce livre dans un véritable état d'euphorie. Et quand il a été terminé, je me suis sentie soulagée. Toi seule, tu t'en étais rendu compte, Mary. Moi ? Oui. Tu te souviens ? Tu m'avais écrit qu'à la lecture du livre, tu avais ressenti une étrange sérénité. C'est vrai. Je voulais juste dire que nous pouvons éviter le mal. Le mal n'est pas démoniaque. C'est uniquement la somme de nos actes humains, souvent irréfléchis. C'est pas compliqué, non ? C'est comme ça que dans ce monde, il a pu exister quelqu'un comme Eichmann, un être dépourvu de réflexion. Il n'était pas stupide, non. C'était simplement de la pure absence de pensée. Ce n'est pas Eichmann qui est monstrueux, mais le système qui l'a rendu ainsi, en effaçant chez lui la perception entre le bien et le mal. Et tu t'étonnes d'avoir déclenché un cataclysme ? Faute de se décharger sur un seul bouc émissaire, tu renvoies tes lecteurs au rang de coupables potentiels. Normal qu'ils fassent la gueule. Mais le mal n'est jamais radical. Il n'a aucune dimension démoniaque. Il défie la pensée, c'est là sa banalité. Seul le bien peut être radical. Nous devons donc utiliser notre propre faculté de jugement et notre liberté d'action. En conséquence, Heinrich, je te propose donc de nous resservir un whisky bien tassé. New York, mai 1968. Appartement d'Heinrich Blücher et Anna Arendt. Allô ? Anna ? Anna, c'est Mary. Mary, tu appelles de Paris ? Le téléphone marche encore ? Ben oui, je suis sûre que les journaux parlent déjà d'apocalypse, comme d'habitude. Tu sais, j'arrive tout juste du Vietnam, alors... C'est à ton tour de jouer à l'envoyé spécial ? Oui, et à mon tour, je crains que mes papiers en faveur du Viet Cong ne me valent pas que des amis. Tu sais qu'ici, ça bouge beaucoup aussi. Il y a chez les jeunes une prise de conscience de plus en plus forte contre la guerre. Et comme beaucoup sont mes étudiants, je suis très fière d'eux. Et à Paris, raconte. Eh bien, les étudiants occupent la Sorbonne et l'Odéon. La parole est libre, elle fuse de partout. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais c'est grisant. Ils sont formidables, ces jeunes. Ils ont une vraie réflexion. Ils ont conscience que notre vieux monde fatigue et ils rêvent d'autre chose. J'espère qu'ils y arriveront. Tu n'as pas croisé Danny Cohn-Bendit ? Mais c'est le héros de la fête ! Il est bien, ce garçon. Mais oui, je sais. Je le connais bien, c'est le fils de mes vieux amis. J'essaye en vain d'entrer en contact avec lui. Je vais lui écrire. Je m'inquiète car il est toujours de nationalité allemande et j'ai peur d'un mauvais coup de la part du gouvernement français qui pourrait bien l'expulser. S'il a besoin d'aide, je voudrais qu'il sache qu'il peut compter sur moi. Et toi ? Toi, tu peux compter sur moi si j'arrive à le voir. Merci, Mary. Dis-lui bien que je suis convaincue que ses parents seraient très fiers de lui s'ils étaient encore de ce monde. Promis. Et de la part de la philosophe, j'ajouterais que ce qui compte, c'est l'action. C'était Hannah Arendt, une femme libre, de Jean-Pierre Tiercelin, avec Christine Gagneux, Hannah Arendt, Nicolas Gonzalez, Daniel Cohn-Bendit, Marc-Henri Boiss, Heinrich Blücher, Michel Ruhl, Kurt Blumenfeld, Anne Deleuze, Mary McCarthy, les journalistes Aurélien Ozinski et Bastien Bouillon. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Yacine Monet. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Michel Sidorov. Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, Mädchen, flüchten sie geschwind? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und sagt, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sagt, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sagt, wo die Soldaten sind, über Gräber weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und sagt mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, Mädchen, pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral ? Would you say that all the people whom I take into account throughout the middle, I mean, moi je me sers où je peux, and I take whatever I can. Everything which happens in thinking is tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Hannah Arendt, une pensée libre. Notre invité, Michèle-Irène Brudny, biographe d'Hannah Arendt. Bonjour Michèle-Irène Brudny. Bonjour. Alors nous sommes heureux de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, que vous avez contribué à introduire Hannah Arendt en France par des éditions, par des traductions. Puis vous avez publié une biographie intellectuelle de l'auteur chez Grasset. Vous avez dirigé un recueil intitulé « Destin de la banalité du mal » en 2011 aux éditions de l'Éclat. Et tout récemment, vous avez contribué à la revue Cité qui publiera en septembre un numéro sur Arendt politique et son actualité. Et vous vous êtes intéressé également à l'interminable, et on va y revenir, hein, l'interminable controverse sur Eichmann à Jérusalem. Bien. Alors, dans un numéro de la revue Histoire, paru en mai 2013, vous citez une discussion entre Hannah Arendt et sa nièce. Hannah Arendt est à Marbach, où elle est venue s'occuper des archives du philosophe Karl Jaspers, son ami. Et puis, sur le quai de la gare, sa nièce lui demande « Faut-il vraiment que tu ailles voir Heidegger ?» Sa réponse résonne encore. Elle lui dit « Tu sais, il y a des choses qui sont plus fortes que l'humain. » Voilà. Je cite ce passage car de nombreuses critiques ont été formulées sur Arendt concernant sa relation jamais tout à fait arrêtée avec Heidegger, ce philosophe allemand qui avait pris parti pour les nazis. Alors, cette réponse n'est-elle pas symbolique de la personnalité de Hannah Arendt? Cette façon de dire, ben voilà, j'assume. Oui, c'est aussi une façon de dire tout ne peut pas s'expliquer dans la vie, puisqu'elle était très proche de cette nièce, et cette nièce avait le culot de lui poser la question. Faut-il absolument que tu y ailles? Es-tu vraiment obligé d'y aller? Et effectivement, la réponse, vous venez de la dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est effectivement l'affaire de toute une vie, mais ils ont complètement interrompu toute correspondance à deux moments importants. Quand Arendt a quitté l'Allemagne, et même un peu avant. Et puis aussi, il ne correspondait plus au moment du procès d'Eichmann. Quand on dit que c'est une correspondance et une relation de toute une vie, je pense que c'est plus compliqué, ce qui est tout à fait compréhensible. Et pourquoi on le dit? Parce que c'est plus romantique. Mais ça n'est pas la vérité. Non, ça n'est pas la vérité. Ça se voit dans l'édition de la correspondance. Et d'ailleurs, Heidegger a jeté les lettres d'Arendt. Celle qu'on a, c'est celle d'Heidegger qu'Arendt avait dans son bureau. Eh bien, vous avez raison de rétablir une vérité historique, vous êtes là pour ça aussi. Alors, racontez-nous sa jeunesse, son départ en France, ses amitiés, et puis le camp de Gourse aussi, dans les Pyrénées, puis son départ pour les USA. Qui est-elle à cette époque-là, où il se passe beaucoup de choses, hein? Oui, c'était d'abord une enfant très douée. Elle a perdu son père à 7 ans. Tout le monde s'accorde pour voir là un événement important. Et l'adoption, par exemple, de Jaspers ou Karl Blumenfeld plus tard. Elle était très douée. Elle lisait dans le texte en grec, je crois, quand elle avait 14 ans. Elle fait des études où elle est très en avance. Elle va à l'université quand elle n'a pas encore ce qu'on appelle la matura, je crois. Elle faisait des recherches pour un mouvement de protestation politique, un mouvement sioniste. Quand elle est arrêtée peu de temps, elle arrive à faire sourire l'officier qui l'interroge et celui-ci la libère. À ce moment-là, elle s'enfuit aussitôt en France, bien avisée, et elle milite dans un mouvement sioniste et elle forme des jeunes dont les parents sont réfugiés pour qu'ils s'adaptent à la vie au kibboutz en Palestine, ce qui n'est pas évident, encore moins à l'époque peut-être. Et elle se retrouve incarcérée au camp de Gurs, qui était occupé avant par les républicains espagnols, qui a vite changé de nature. Et j'ai encore connu des gens qui avaient été internés. Je n'ai pas connu Arendt. Et Arendt profite de l'armistice de 40. Elle a le sens de l'organisation. Elle propose à ses camarades, comme il n'y a plus de surveillance, de s'échapper juste. Elle a le sens de l'action, en fait, dans tout cela. Là, oui, elle était très. Elle a essayé de remonter le moral de ses camarades, dont certaines étaient très déprimées, et en vue des croquis de l'URSS, qui, comme dit mon père, n'était rien à côté de la suite, on voit quand même que c'était difficile. Donc, c'est une intellectuelle qui a du tempérament, qui est dans l'action, mais on retient évidemment toute son œuvre intellectuelle et historique. Elle a écrit de nombreux livres, dont Les origines du totalitarisme, c'était en 1951, La condition de l'homme moderne, ça c'était en 58, et puis Eichmann à Jérusalem en 63. Elle s'est attaquée vraiment aux idées les plus difficiles lorsqu'elle met, par exemple, en parallèle Hitler et Staline, et quand elle parle de la banalité du mal au cours du procès Eichmann, peut-on vraiment penser qu'Adolf Eichmann n'était qu'un bourreau ordinaire ou un fonctionnaire zélé? Et qu'est-ce qu'elle nous a apporté comme lumière sur ce point-là? Alors, je pense qu'il y a des contradictions dans le livre, ce qui est explicable. Elle laisse entendre, d'une part, que c'était un fonctionnaire, un assassin de bureau, mais elle dit d'autre part qu'il n'était pas qu'un rouage dans la machine, qu'il avait des responsabilités importantes. En fait, elle polémique aussi avec l'orientation du procès, c'est une partie importante du livre, et comme ça n'était pas le grand responsable de tout, elle trouve qu'on lui donne trop d'importance dans ce procès. Et surtout, ce qui est plus difficile à comprendre de nos jours, elle ne voit pas l'intérêt des témoignages. Elle trouve ça fastidieux, lassant, répétitif, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui se sont évanouis pendant leur témoignage ou après avoir témoigné. C'était extrêmement important. On l'a vu dans le procès Barbie, c'est tellement important. Extrêmement éprouvant. Et elle trouve que c'était inutile de faire revivre. Or, Annette Wivlerka a bien montré qu'avec le procès Eichmann apparaissait l'ère du témoin et qu'avant, les victimes n'avaient pas témoigné. Donc, c'est une cécité qui interpelle, je trouve, de sa part. Maintenant, elle est plus difficile. Comme beaucoup de juifs, elle est plus difficile quand elle est plus exigeante, quand il s'agit de son propre peuple, que par rapport au reste de l'humanité, ce qui est compréhensible aussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait courir? Qu'est-ce qu'il apporte? Parce qu'il y a des contradictions dans ce qu'elle dit, puis ça fait beaucoup de polémiques, on le verra. Qu'est-ce qu'il apporte? On dirait aujourd'hui qu'elle n'est pas politiquement correcte, qu'elle va à l'encontre de ce qu'on a le droit de dire, par exemple. C'était ça? Je pense que c'est plus grave que le politiquement correct. À propos des conseils juifs, ce n'est pas d'être politiquement incorrect, c'est de nier des choses qui ont été établies dès les années 49 dans des articles d'histoire. Alors, on va dire ce que c'est, oui. Les conseils juifs, hein, d'accord. Qui étaient ces institutions juives des pays dans lesquels les juifs vivaient, et certains d'entre eux auraient collaboré. Ce qui est évidemment un tabou ultime qui est levé là. Quand mais elle le dit, ce c'est un tabou. Ce n'étaient pas les institutions juives dans les pays où vivaient les juifs, c'était les institutions juives créées à la demande des nazis, à leur demande expresse, et où certains anciens responsables ont siégé pour diverses raisons, et notamment éviter le pire ou être maîtres, eux, du destin. Il y a toute une panoplie de possibilités. Bon, et pourquoi vous évoquiez cette question, on était en train de dire qu'Anna Arendt n'était pas dans un politiquement incorrect, vous parliez vous quelquefois de cécité, donc quel est ce besoin de lever des tabous comme ça? Qu'est-ce qu'elle cherchait? Qu'est-ce qu'il apportait? Ça n'est pas lever un tabou, c'est elle qui le présente comme lever un tabou. Elle dit qu'elle a blessé là où il y avait encore de la souffrance, etc. Mais non, je veux dire, si elle avait voulu avoir les sources historiennes, elle pouvait les avoir. C'est ça ma position, elle est un peu à contre-courant, je vous l'accorde. Mais c'est des faux tabous, c'est des faux tabous qui ont été créés de toutes pièces et qui perdurent. Bien, on va continuer à parler de cette personnalité compliqué, hein, Anna Arendt, c'est aussi pour ça qu'elle est intéressante, et on va continuer dans 3 minutes avec vous. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch 'em roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Michel Irène Brudny, on va revenir sur les critiques dont Hannah Arendt a été l'objet. Alors, on se souvient de la une de Nouvelle Obs, Hannah Arendt est-elle nazie? Et puis la phrase de Claude Ranzmann, le réalisateur de Shoah, Hannah Arendt n'a rien compris, disait-il. Critique sévère, critique dure, vous les pensez mériter ces critiques-là? Pour le Nouvelle Obs, ma position serait mitigée, parce qu'il a dû se défendre ensuite d'avoir tiré parti du scandale et de la dynamite, comme disait Pierre Nora, qui avait présenté le livre de cette manière, à juste titre. C'est le titre qui est du Nouvel Observateur, je pense. Hannah Arendt est-elle nazie? C'était une pétition d'universitaires et de personnalités. Je ne suis pas sûre qu'ils auraient mis ce titre. En tout cas, c'est en toute connaissance de cause que le Nouvel Obs a choisi de publier comme bonne feuille le fameux passage sur les conseils juifs, qui a donc fait couler beaucoup d'encre en France aussi. Et pourquoi vous dites en toute connaissance de cause? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour attiser la polémique. Réflexe de journaliste, c'est ça que vous voulez dire? Oui, de manière générale, Arendt dit elle-même, ce que je ne trouve pas une défense judicieuse, elle dit elle-même que ce sont 10 pages dans l'ensemble du livre. Alors, elle a dénoncé le nazisme, on le disait, le stalinisme, les englobant sous le concept de totalitarisme. Alors ça, il n'y a pas qu'elle qui l'a fait d'ailleurs, hein, ça a toujours créé de vives polémiques. On l'a accusé de faire le jeu de la droite, là pour le coup, et de la réaction, elle a été beaucoup accusée. Et on a envie de se dire, mais si elle avait raison, après tout, est-ce qu'elle avait raison? Par exemple, sur ce point des totalitarismes en mettant en parallèle ou en rejetant dos à dos, ce qui arrive au même d'ailleurs, Hitler et Staline. Je pense que oui, dans un premier temps, elle avait raison. Alors là, ça n'était pas politiquement correct de mettre le communisme soviétique dans la même catégorie que le nazisme. Ça, effectivement, ça n'était pas politiquement correct. Ensuite, elle préconisait de bien distinguer les régimes autoritaires ou la tyrannie, comme elle l'appelait, du totalitarisme. Et elle a décelé à juste titre une nouveauté, un phénomène sans précédent, aussi bien dans le nazisme que dans le communisme soviétique. La discussion dure encore pour savoir, enfin, entre les spécialistes, jusque quand est-ce qu'on va jusqu'à la chute du mur de Berlin? Est-ce qu'on s'arrête après Staline? Est-ce qu'on s'arrête plus tard? Qu'est-ce qui l'a fait tenir, finalement, poursuivre sa route, sa ténacité? Elle est entourée, on peut parler de ses amis, son mari, ou simplement la certitude d'avoir raison, ou alors simplement encore penser pour avancer, puisqu'elle le disait. Qu'est-ce qui l'a fait tenir ? Je pense que et son mari et le cercle d'amis proches jouaient un rôle très important. Je me suis laissé dire que les amis venaient très souvent. Et il y avait toujours des discussions intéressantes. La journée, elle était seule à son bureau. Et le soir, elle était dans l'animation. Et je pense que ça a joué un rôle très important. J'ai encore connu sa dernière amie, qui a aussi publié la correspondance d'Arendt avec Jaspers, et qui était une femme étonnante et qui s'y connaissait en littérature, en philosophie, qui était très modeste, mais je vois bien comment les deux pouvaient s'entendre, et pas seulement avec Mary McCarthy, qui elles étaient deux exécutrices littéraires, et Lotte Köhler est moins connue, et pour cause. Et un journal avait titré, la théoricienne des sombres temps, en parlant d'Anna Arendt. Ça vous paraît juste comme formule ? Vous y adhérez ? C'est une formule d'elle qu'elle tient, je crois, de Brecht. Ouais. Pas seulement, parce que ce que vous avez cité tout à l'heure, « Conditions de l'homme moderne », c'est vraiment un livre de la reconstruction, c'est son anthropologie, donc et c'est très positif, il faut se réconcilier avec le monde après les sombres temps. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez elle dans son œuvre, dans ce qu'elle a dit, dans ce qu'elle a écrit? Sur quel terrain, selon vous, elle a fait avancer, sinon le monde, en tout cas l'idée qu'on peut avoir du monde? Moi, je trouve que Les origines du totalitarisme est un livre important. C'est d'ailleurs par là que j'avais commencé dans mes études d'Arendt. J'avais fait une édition aussi d'un ensemble de séminaires qui s'appelle La nature du totalitarisme. Il faut dire que ça ne m'est pas personnel. D'ailleurs, dans ma génération, on a appelé cette génération celle des antitotalitaires. Et c'était une préoccupation un peu générale dans le milieu intellectuel. Et puis, ensuite, je me suis intéressée à sa vision de la littérature et à ce qu'une philosophe tirait de la littérature. Il faut rappeler qu'elle lisait de la poésie chaque jour, comme la bonne allemande qu'elle était. La poésie joue un rôle très important. Il y a d'ailleurs une femme qui a édité en France ses poèmes, je pense, à l'automne. Et donc, je vais pouvoir enfin les lire. Pour ceux qui sont en allemand, je vais pouvoir les lire en français. J'ai lu certains en américain. Qu'est-ce qu'on sait de la femme ? Dans sa vie personnelle, dans son caractère, derrière la philosophe, quelle femme se cache, ou se cache pas d'ailleurs. Ce qu'on sait de la femme, c'est très intéressant, parce qu'il y a eu plusieurs portraits un peu littéraires, un par Mary McCarthy, un par Frédéric Procoche, qui est un romancier américain. Mmh. Elle était extrêmement séduisante, c'est-à-dire que dans un salon, quand elle se mettait à parler, même entre 40 et 50 ans, qui pour maintenant serait âgée, quand elle se mettait à parler, tout le monde, très naturellement, convergeait autour d'elle. Ça s'appelle le charisme. C'est ça. Et je crois qu'il y a unanimité là-dessus. Sauf, bien sûr, pour les gens qui la détestent. Bah oui, bien sûr. Il y a des gens qui la détestent. Alors, pour terminer, je vais citer une réponse d'Anna Arendt, faite à Jules Romain, c'était en 1941. Lui aussi en exil, il se plaignait de l'ingratitude des Juifs qu'il avait aidés. Et en effet, la réponse d'Arendt avait été cinglante. Elle avait dit « On n'aide pas les Juifs pour faire une bonne action, mais pour sauver son propre honneur. » Ça, c'est une grande phrase. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, c'est une idée très profonde qui est que ça n'est pas seulement le peuple juif qu'on sauve, c'est l'humanité, d'où la critique de certains par rapport à la catégorie crime contre le peuple juif, par rapport à crime contre l'humanité. Et c'est à partir de l'idée d'humanité que je tirerais celle d'honneur. C'était dans l'organe des Juifs allemands en exil à New York, cette lettre ouverte à Jules Romain, je pense. Quelle phrase, en tout cas. Merci, Michel Irène Brudny. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté vos éclairages en tant que spécialiste d'Anna Arendt. Merci à vous. Je vous en prie. C'était Affaires sensibles à la fiction. Aujourd'hui, Anna Arendt, une pensée libre. Une fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidoroff et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Alice Berger.